Merci pour la prochaine ici, je voudrais votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, un Blues Café live. Merci beaucoup les amis. Time to party. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel avec le blues en live et en public. Dans le Blues Café de ce soir, le blues se conjugue dans la langue de Molière avec un bluesman romantique, Francis. Et oui, derrière son look d'éternel jeune homme et son béret noir tout aussi éternel d'ailleurs, il accumule tout de même 1700 concerts. Dans partout dans le monde d'ailleurs, et 8 albums au compteur. Son rêve le plus fou était de venir dans le Blues Café. Eh bien, c'est fait ce soir. Ils ont de la chance et nous avons de la chance. Je vous demande d'applaudir Rod Barthet au chant et à la guitare. Nico Schunchenler à la basse. Connie Carvalho à la batterie. Et c'est le Rod Barthet Trio. À vous, messieurs. Je pars changer l'horizon. Je vous laisse ma part, je prends le trajet le plus long. Laissez passer, je pars changer l'horizon. Je vous laisse ma part, je prends le trajet le plus long. Changer ma peau, je serai plus jamais pareil. Sur une terre sans drapeau, je veux ma place au soleil. Je peux changer ma peau, je serai plus jamais pareil. Sur une terre sans drapeau, je veux ma place au soleil. Ah, laissez-moi passer. Thank you. bien le Blues Café Live avec ce soir Rod Barthes. Merci, merci. C'est un morceau qui fait partie d'un album qui s'appelle Changer l'horizon. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué. Et je suis bien content de l'avoir joué, en fait, parce que ça faisait un moment. En tout cas, il y a un truc qui est vrai, c'est ce qu'a dit Francis. Ça fait 2 ans que j'attends pour venir jouer ici, alors je suis super content. Merci, merci beaucoup. Vous êtes bien dans le Blues Café Live et nous recevons ce soir Rod Barthé et ses musiciens. Ils sont en trio ici sur la scène du Millennium, c'est à l'île d'Abo. Et on rappelle que vous pouvez assister à cet enregistrement, à cette émission, tous les deux mois ici. Et on fait un grand merci à toute l'équipe du Millennium d'ailleurs, que vous pouvez applaudir bien fort parce qu'ils nous ont fait encore une belle saison. Bon, Rod, tu es venu nous rejoindre. Rod et ses musiciens nous arrivent du Jura. Exactement, du Doubs. Oh, il y a des gens du Jura là qui viennent de t'applaudir. Bon, alors Rod, alors comme ça, j'ai appris de drôles de choses sur toi, ouais. Et j'ai appris déjà que tu as été un vilain petit canard, finalement, hein, et un petit garnement qui, à 12 ans, tu pourrissais la vie de ta grand-mère. Ah oui, oui. En faisant hurler ta guitare au son punk, parce que tu faisais du punk rock à l'époque. C'est, ça, c'est pas sympa pour ta grand-mère. Ben non. J'ai gâché les premières années de sa retraite, en fait, en jouant à fond les boulons dans le garage de la guitare. D'accord, et elle s'en est remise ? Elle s'en est remise, oui. En lisant ta bio, Rod, on se dit que tout compte fait, ton voyage musical a une certaine cohérence et quand même beaucoup de passion. Tu as commencé avec un groupe amateur, tu as ensuite fait l'école de musique, des concerts dans les bars du coin. Et puis ensuite, un événement, je pense, qui a marqué ton parcours, c'est ce voyage initiatique aux États-Unis. C'est là où tout a commencé pour toi ? Ben, c'est là où tout a commencé. Et c'est vrai que la personne que j'ai rencontrée là-bas, j'en parle souvent et... Il m'a marqué à vie, en fait, et c'est, j'ai eu la chance du débutant, comme dans L'Alchimiste de Paulo Coelho. On m'a dit de faire un vœu avant d'aller pour la première fois là-bas, et en fait, j'avais fait le vœu de rencontrer Albert King. Et finalement, j'ai rencontré Johnny Hooker, et ce grand monsieur m'a marqué à tout jamais par sa gentillesse, son humanisme. Et sa façon d'être, en fait, on a vécu avec mes collègues des moments fantastiques avec lui. Ah oui, parce qu'en fait, tu traînais tes bottes à San Francisco, je crois, et tu essayais de distribuer ta démo un peu à tout le monde. C'est... Et puis, comme par hasard, la démo, elle est arrivée dans ses pattes. On était au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'on était on allait faire le jam dans tous les bars, un peu des bars comme ici en fait. Hein. Et on jouait du blues. Il y avait Tommy Castro qui débutait à l'époque, des gens comme Johnny Nitro qui était une légende du blues sur San Francisco. Et on distribuait à l'époque, c'était des cassettes. Hein, il y en est arrivé une dans les mains de l'attaché de presse de Johnny Hooker qui lui a fait écouter. Il lui a dit voilà, il y a des petits Français, ils sont là, ils jouent du blues. Et puis il nous a appelé en personne pour dire qu'il avait écouté la cassette et qu'il voulait bien qu'on fasse sa première partie. En fait, on peut te le dire maintenant, son rêve le plus fou, c'est de te rencontrer. C'était ça. Et je crois que le hasard aussi venait voilà. De son côté. Hein. Mais je crois que tu as d'ailleurs joué plus tard avec lui à Paris. Alors, enfin, en première partie, tu as dû ouvrir pour lui. J'ai joué qu'une fois en première partie de lui, c'était là-bas. Par contre, je suis allé chez lui dans sa maison à Redwood City. Donc j'ai eu le privilège d'être accueilli chez lui dans sa maison. Il nous a fait visiter ses pièces où il faisait de la musique. Il nous a raconté des anecdotes qu'il avait avec Keith Richards, Santana, tout ça. Donc oui, on était vraiment... Et à l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui m'arrivait. C'est plutôt maintenant que je mesure en fait ce qui m'est arrivé. Les années 90 ont ensuite été assez bénéfiques pour toi. Tu as d'abord fait quelques albums. Il y avait ce groupe, les fameux Shotguns, on disait exactement, tout à l'heure. Exactement. On s'était rencontrés tous les deux. Enfin, la première fois que je t'avais vu, ouais. C'était justement au Festival de Blues de Salaise. Et tu tout étais fait, avec ce groupe. Et puis une signature aussi sur un label bien connu bien sûr, France, qui est le label Dixie Frog. Les choses se sont finalement enchaînées assez vite. Assez vite, en fait. C'est grâce à John Lee Hooker, non ? C'est lui qui t'a fait une lettre de recommandation ? Non, pas du tout, mais en fait, c'est vrai qu'on a, dans ces années-là, en 95-96, le blues était en plein boom, le blues boom en fait était là. On avait un album qui était distribué par MSI à l'époque et Philippe Langlois en fait travaillait chez MSI en fait. MSI c'était Dixie Frog. Voilà, et il nous avait déjà repéré en fait par le biais de cette distribution. Et moi, j'avais des contacts avec Virgin, la maison disque Virgin, et il me faisait attendre. Ça faisait un an et demi qu'il me disait qu'il voulait me faire un album. Et moi, j'ai contacté Philippe Langlois. Je lui dis ce que tu veux faire un album. Il m'a dit oui tout de suite. Donc, on a dit allons, on y va, on le fait. En fait, T'es un homme de rencontre parce que John Lee Hooker, bon, il n'y a pas eu que John Lee Hooker, tu me parlais de Tony Castro, mais il y a eu d'autres gens dans ta vie. Et en 1998, si je ne me trompe pas, il y a une rencontre plutôt étonnante qui s'est passée, qui change complètement ton parcours, avec un monsieur nommé Boris Berman. Oui, tout à fait. Avec lequel tu vas collaborer pendant plusieurs albums, y compris le dernier d'ailleurs. Et encore maintenant, alors, je l'ai encore eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Alors comment ça s'est passé ? Alors avec Boris, c'est pareil, c'est Philippe Langlois justement qui me demandait si j'avais un souhait en fait. Et je lui dis, ben moi j'aimerais bien chanter en français. Mais le problème, c'est un génie Philippe Langlois en fait. Il était dans une lampe, t'as frotté la lampe et il est sorti. Il m'a présenté à Yazid, Manou. Qui est un grand spécialiste d'Hendrix. Voilà, c'est ça. Et par l'intermédiaire de Yazid, en fait, j'ai rencontré Boris. En fait, je suis allé chez lui, on a bu du thé, on a discuté. Du thé seulement ? Ouais, du thé, ouais. Bon. Des plantes naturelles. Et au bout de 2 heures ou 3 heures, il m'a dit, bon, on va commencer à bosser ensemble. Je lui ai dit, mais tu veux pas que je joue quelque chose, que je te fasse, tu chantes quelque chose ? Il me dit, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et puis, ça fait maintenant 18 ans qu'on se connaît, qu'on s'appelle. J'étais encore dernièrement avec lui, il n'y a pas si longtemps à Paris. Pour faire de la promo et puis voilà. On va en reparler tout à l'heure de Boris Berman et notamment de ton dernier album. Hein. On va parler de tout ça. On va parler aussi du fait que tu chantes en français parce que finalement c'est pas si courant. Et il y a quelqu'un qui chante en français aussi et qui a sorti un album qui nous a tous surpris. C'est Monsieur Charlie Lee Couture. Je pense que tu apprécies le personnage. Bien sûr. Charlie Lee Couture, qui vient de sortir un album magnifique qui s'appelle Lafayette. Ça faisait 30 ans qu'il rêvait d'enregistrer un album à la Nouvelle-Orléans. Le rêve s'est réalisé. C'est son 20e album enregistré au cœur du bayou de Louisiane dans des studios bien connus, les Dockside Studios. C'est les studios qui ont notamment accueilli B.B. King, Taj Mahal ou Alain Toussaint. Et c'est vraiment avec des musiciens du Cru qu'il a enregistré ce nouvel album. Et on note notamment la présence du grand Zachary Richard sur le disque et également des Lost Bayou Ramblers sur cette magnifique adaptation des The House of the Rising Sun qui devient, dans la bouche de Charlie Lee Couture, Maison Soleil Levant. On écoute Charlie Lee juste avant de retrouver Rod Barthé sur la scène du Blues Café. Charlie Couture avec cette petite merveille Lafayette, un titre, un album quasiment enregistré en français. Et c'est dans cette langue également que tu as choisi de t'exprimer, Rod, mais pas forcément dès le début. Tes premiers albums étaient en anglais, t'es passé en mode français. Pourquoi ce choix ? Bah parce que le français, c'est ma langue natale, en fait, et... Pour exprimer vraiment ce que je ressens au plus profond de moi-même, le français me va très bien en fait. Et puis aussi pour être différent des autres aussi. Alors c'est vrai que le français dans tes chansons rythme bien le blues, je trouve. Et puis le français doit aussi attirer les filles, puisque c'est le dernier album s'appelle Les filles à l'écoute. J'espère que vous êtes toutes à l'écoute, mesdemoiselles et messieurs. Dernier album de Rod Barthès, ça s'appelle Les filles à l'écoute. Alors pourquoi ce titre d'album, mais qui est aussi un titre d'un morceau de cet album. J'avais pas vraiment choisi de titre, et en fait cette chanson ressortait un petit peu, et on a trouvé que c'était un titre qui était sympa en fait, donc on a pris ce titre là mais il n'y avait pas de, c'était pas de connotation non, féminine, pas du tout, non. D'accord. Pas du tout. Tout à l'heure en intro je disais que tu étais un bluesman romantique. Est-ce que c'est une expression qui te convient ou pas du tout? Tout à fait, si. Après moi je sais que j'attache beaucoup d'importance au texte, et j'essaie de m'entourer de paroliers justement qui m'emmènent un peu plus loin que la traduction littéraire de l'anglais au français sur le blues, et donc ça me convient tout à fait, et il n'y a pas de souci avec ça. Les filles, ça revient souvent quand même dans tes textes. Il y a 90% je crois des chansons dans le monde qui sont faites là-dessus, ouais, et c'est vrai que c'est un thème inépuisable. Rod, on reparlera de ton album tout à l'heure. Pour l'instant, tu vas regagner la scène du Blues Café. La jante féminine te regarde, mais la jante masculine aussi, j'imagine, et puis on va pouvoir t'écouter. Rod Barthès sur la scène du Blues Café. Gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming, it's gonna be a son of a gun, it's gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know. Mess with you, leaning me by my head, I gotta make you girl jump and shout. Everybody Et ce soir, notre invité dans le Blues Café Live. Alors, tout à l'heure, Francis vous a parlé de filles, en fait, que je chantais beaucoup de chansons sur les filles. Il n'a pas tout à fait tort. Il a même plutôt raison. Alors là, c'est un morceau qui s'appelle Une fille pareille, qui parle d'une fille qui est belle, bien sûr, qui est intelligente. Qui est blonde aussi. Eh oui. Elle cumule tout. C'est pas possible ? Ben si. Ça arrive, il y en a. Je suis sûr qu'il y en a ici dans la salle même. Non ? Des filles blondes, belles et intelligentes ? En tout cas, moi j'en connais une, il y en a. Dans le Jura, il y en a. Ça s'appelle Une fille pareille. Jamais rencontré une fille pareille. Et c'était Rod Barthet qui était sur la scène du Blues Café Live. On va lui demander de revenir. Le temps qu'il revienne, on va, Francis, écouter un album de monsieur Guy Verlinde. Guy Verlinde, comme tu dis, Guy Verlinde. Alors, vous savez que dans notre blues party, ben, il y avait un artiste belge nommé Guy Verlinde qui a sorti aussi un tout nouvel album. Un album signé sur le label Dixie Frog. On en parlait tout à l'heure avec Rod Barthet. Et un album qui revient un peu aux sources, hein, aux sources du blues, très roots. Rooted in the Blues, d'ailleurs, il s'appelle cet album. 13 titres, on en écoute un extrait avant de retrouver Rod Barthet ici avec nous en interview. Vous écoutez bien le Blues Café Live. Music rocked my mind. I let my tapes play and rewind. My Elvis imitation made the news. But I saw the light when Muddy sang the blues. Soul jiving, soul jiving. He got my soul jiving, soul jiving. Say it's boring, it's always the same. Only three chords to play its game. But if you listen to what I got to say, then I'm sure your blues will go away. So jive it, so jive it. The blues got my soul jiving from within. That's what I said. And John Lee, to all the ones left in obscurity. I'm so proud of what I've become, a Belgian bluesman since 1991. Soul jiving, soul jiving. It got my soul jiving, soul jiving. Guy Verlinde à l'instant dans le Blues Café Live. Guy Verlinde, c'était aussi Lightning Guy. Passé un temps, ce monsieur se faisait appeler Lightning Guy. On est ici de retour au Blues Café Live, sur le plateau du Blues Café, au Millennium de l'île d'Abo. On vous rappelle que vous retrouvez cette émission sur le www.bluesactu.com, sur lequel vous pouvez retrouver les podcasts et également les vidéos de nos amis Thibaut et Vincent qui sont ici ce soir et qui vous permettent de mettre une image comme ça sur cette émission de radio. Rod, on parlait de ton dernier album nommé Les filles à l'écoute. On a parlé beaucoup de filles d'ailleurs, mais il y a aussi des mecs hein, dans la tout salle. Tout à fait. Tout. Il n'y a pas que des filles. Ils sont là, justement. On parlait aussi d'un mec nommé ouais. Boris Berman, avec ouais. lequel tu collabores. Et dans cet album Les filles à l'écoute, eh bien, je crois qu'il y a 6 morceaux, non, je crois. Oui, il y en a 5 ou 6. 5 ou 6 écrites ouais. par Boris Berman. Comment ça se passe, l'écriture avec Boris Berman? Bah, en fait, je lui envoie des blablabla, là, des trucs comme ça, en fait, avec la musique. Et lui, il s'inspire de ça, en fait, et il me renvoie le texte. Je lui donne pas... Souvent, les gens pensent que je lui donne des thèmes ou des choses. Et je lui laisse carte blanche pour, justement, qu'il s'exprime vraiment, en fait. Et... Bon, après, il est vrai que maintenant qu'on se connaît depuis 18 ans, il me connaît aussi. Il est déjà venu chez moi, tout ça. Donc, il écrit des choses qui me correspondent. Alors on te compare d'ailleurs souvent à des artistes français, des chanteurs français, ouais. des fois plus qu'à des bluesmen, même c'est ouais. un peu le paradoxe. Ouais. Tu es souvent, on va dire, rangé dans cette case, qui est d'ailleurs, tu es comparé à des grands noms de cette case musicale, TFN, Bachung, Paul Persson, Jonas. Tout à l'heure, je le disais, tout à l'heure, en rantaine, je trouve que ta voix rappelle aussi le chanteur de Matmata, mais voilà. Bah oui. Pour Bachung, en tout cas, il y a collusion, puisque Boris Berman ouais. était aussi son parolier attitré. Et sur cet album, d'ailleurs, tu fais un petit clin d'œil, puisque ouais. tu fais une reprise de Gabi. Ouais, oui, j'ai voulu justement le remercier, Boris, en faisant cette reprise. C'était pas du tout prévu, on l'a enregistré en une prise à la fin de la session, et comme elle a bien passé, j'ai décidé de la mettre sur l'album. L'éditeur et Boris lui-même ont été agréablement surpris et ils étaient contents, en fait. Mais après, pour le parallèle avec Bachung, je pense que Bachung est quelqu'un d'unique et restera unique. Il n'y a personne qui pourra lui ressembler ou l'égaler. Et c'est vrai que le fait de travailler avec Boris peut faire penser à ça, mais c'est vrai que moi, j'ai aucune prétention ou de me rapprocher de Bachung ou tout ça. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui marquera la chanson française. Et moi, j'essaie d'avoir mon propre univers, en fait. Et le fait de travailler avec Boris, en fait, c'est souvent même déjà lui aussi. Souvent, les gens lui parlent tout le temps de Bachung, mais c'est vrai qu'il a écrit pour une multitude de personnes, en fait, en dehors de Bachung. C'est vrai que c'est Bachung qui reste vraiment le... Mais en fait, il a vraiment écrit pour énormément de gens. On a commencé cette interview en parlant de Johnny Hooker. On est avec Alain Bachung, là. Du coup, tes influences musicales, elles se situent entre les deux? Alors, pour moi, au niveau de la guitare, le bluesman que je mets au-dessus de tout le monde, c'est Johnny Winter. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un, une influence majeure, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup écouté Johnny Winter. Je l'ai vu beaucoup en concert. Et après, évidemment, pour tout ce qui est français, j'ai écouté comme tout le monde Brel, Brassens, ces gens-là, et même des gens de la variété française aussi qui me plaisent bien. J'aime bien Francis Cabrel. Nous voilà. aussi. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Et Francis Cabrel nous aime beaucoup. D'ailleurs, tu as croisé le fer avec un de ses musiciens, Eric Sauvia, oui, c'est un pote, qui a joué avec ouais. Cabrel, qui a ouais. aussi joué avec Hallyday. Moi, je l'ai ouais. beaucoup vu avec Calvin Russell également. Ouais. Eric Sauvia, oui, je l'ai rencontré en faisant le stage d'Astafor aussi que j'ai fait avec Cabrel. Et il était là-bas. Et Eric est un grand, grand fan de blues. C'est un bluesman, Eric Sauvia. D'ailleurs, il a monté un groupe De blues. Il joue du slide comme personne. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de l'appeler puis de jouer avec lui parce que c'est un très grand monsieur, un très grand guitariste. Il s'appelle Canty Gels, d'ailleurs, son groupe. Il a fallu quelques secondes pour que ça revienne, mais c'est revenu. Alors, avant de te redonner la scène du Blues Café... On lui prête, Francis, il va pas nous la rendre. On dit souvent de toi que t'es un perfectionniste. Oui. En même temps, c'est souvent un compliment, mais parfois c'est un peu teinté. Il est un peu casse-pied, le mec. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Ça. Oui, bah, j'assume. Tu t'attaches au moindre détail. Bon, nous, on en a un peu l'expérience parce qu'on s'était téléphoné plusieurs fois pour la préparation de l'émission avec ces gens en disant mais il s'arrêtera jamais, cet homme-là. Oui. Non, c'était bien sympa. Je pense que c'est un peu la même chose dans tes enregistrements. Il y a eu des albums où j'étais obligé d'être à découvert sur mon compte en banque pour arrêter de mixer, de re-remixer, de continuer, en fait. Et quand j'avais vraiment plus d'argent, plus rien, en fait, je m'arrêtais. En fait, je disais, bon, bah, l'album, il est fini. Et cet album, Les filles à l'écoute, je suis resté plus de 6 mois dessus, en fait, à peaufiner. Très mince. Voilà. à peaufiner les mixages, les enregistrements. J'ai enregistré des dizaines de fois le chant, la guitare. Et j'arrive jamais. Pour moi, en fait, c'est que des brouillons. Je pourrais jamais m'arrêter de faire un disque, en fait. Si c'est, mais à un moment donné, la raison me dit bon, bah, c'est bon, ça fait 6 mois que t'es dessus, il faut passer à autre chose. Fais attention, parce qu'il y a eu un autre gars dans l'histoire de la musique à qui c'est arrivé, c'est Brian Wilson des Beach Boys, et je crois qu'il en est devenu un petit peu taré quand même. Donc, mais bon. Très bien, Rod Barthé était notre invité ce soir dans le Blues Café. Est-ce qu'il y a une suite à cet album qui est déjà en préparation? Oui, il est en préparation, ouais. C'est tout ce que tu peux nous en dire. Bah, pour l'instant, il y a trois titres qui sont, on va dire, non, il y a un titre qui est fait et il y en a trois qui sont à moitié faits. Voilà. Berman est encore présent. Il est encore présent. Ouais, ouais. On l'applaudit, Rod Barthé, avant de le retrouver sur la scène du Blues Café Live. Cet album s'appelle Les filles à l'écoute, et si vous êtes amateur du blues dans la langue de Molière, et ben vous allez pas vous ennuyer à l'écoute de ce dernier album qui est paru sur le label Big Beat Records. Avant de laisser le son à Rod, je voulais de nouveau que vous puissiez applaudir parce qu'on ne les entend pas en interview. Ces deux musiciens, Nico Schuchendler à la basse et Tony Carvalho à la batterie. Rod Barthé Trio. Vous écoutez bien le Blues Café Live. Nous sommes ce soir avec Rod Barthé et son trio sur la scène du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Francisco. This is a great, wonderful city. Makes me feel at home. The Frisco Boogie, the Frisco Boogie, jam for jam myself. Stay out on a lawn. We'll be right back. invité ce soir, le Blues Café Live de Monsieur Rod Barthet. Il était accompagné de Nico Souchandler et de Tony Carvalho. On remercie toute l'équipe du Millennium et la mairie de l'île d'Abo qui nous accueille ici. On vous donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com. Le mois prochain, notre invité sera le groupe de Aurélien Moreau. Ciao, ciao. On laisse la scène à Rod Barthet Trio. Send you back Arkansas. Oh yeah, she's alright. She's alright. She's alright. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr.